CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plus aujourd'hui à Assemblage requis. Stéphanie Paradis, qu'on est à l'émission officiellement pour la première fois, ça fait partie de notre mois de janvier. Justine Renaud déménagera au mercredi avec son bloc musical Justine aux platines et on trouvera d'autres produits inutiles à acheter dans 5-6, mais ça ne devrait pas, on l'a. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce mercredi 8 janvier 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Oui, pour ceux qui n'ont pas compris encore, salut Stéphanie, premièrement. Hey, pour ceux qui n'ont pas compris, salut. que c'était cet hiver, en fait. On va calmer ensemble les mercredis et jeudis. On fait Jean-Philippe lundi, mardi et toi le reste de la semaine. Mais oui, on fait ça. On fait ça dans son dos ou il est au courant? Je sais pas. Il m'a dit hier, je vais peut-être venir demain sans faire exprès. Ça. Ah! Sans m'en rendre compte, je vais peut-être me présenter. Ça. OK, mais quand? Faut pas qu'il vienne. Il va être là. Ça ressemble à ça. Okay. Mais il va nous écouter, je pense, en arrivant au bureau tantôt. Donc, faire attention. J'espère qu'il va arriver tôt. C'est ça. Aujourd'hui à l'émission, Stéphanie, on a la seule invitée, c'est Justine Renaud. Hey, merci d'être là. Et là? Je suis mono-vitée. Mono-vitée, oui. J'ai pas fait mes sourcils non plus depuis le début du temps des fêtes, donc j'ai aussi un mono-sourcil. Ben, mon Dieu, t'as le plus beau mono-sourcil de la planète, ma chère. C'est qu'il est pâle, ça paraît moins quand ouais, il est mono. Il est pâle. Mathieu, avec un mono-sourcil, ça doit être T'as-tu un mono-sourcil, agréable? Ben Mathieu? Non, j'ai pas un mono-sourcil, franchement, sont corrects. Tu l'épiles-tu, entre non, les deux? Non, plus maintenant. Monorail. Monorail. Ah, ben écoute, t'as des beaux sourcils. Toi aussi, Steph, t'as des beaux sourcils. Moi, j'ai des beaux sourcils. Tout le monde a des beaux sourcils. Non, moi, j'en ai un plus haut que l'autre. On dirait que je suis tout le temps suspicieuse. Ah, bon. C'est vrai? Correct. Tu serais bonne dans une série policière louche. Pour jouer le petit chien Doge là, sur Internet, mais qui est ben à la mode en ce moment. Doge. Non, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Moi non plus. T'es un petit peu à l'avance dans les modes d'Internet. Là, mais tellement hipster viral. Ouais, ben, par rapport à Trois-Rivières, t'es en avance d'à peu près un an. Genre, c'est le nouveau Nyan Cat ou autre Grumpy Cat. Oh, y a-tu un pop-tart lui avec dans le. Non, non, non. Doge. Bref. Justine Renaud qui va être là pour sa chronique. Justine au platine dans quelques instants. Quelques instants à peine. On va y aller en musique tout de suite puis revenir après. Yes, sir. Fait que placontons pas plus sur le plan d'aujourd'hui. Placontons. Ça, c'est le placontons. La prochaine comédie musicale de marde. Donc, on va faire, entre autres, c'est un fait tantôt. Ça devrait répondre là puis pas grand-chose à faire. Mais pour l'instant, on écoute la chanson de choses. Oui. Ceux-là, au tech. C'est la chanson Ligne ouverte. Ben, ça va être bon. Ben, je sais bien. T'sais. Hey. Don't. Comme un fou, un toit qui que sur ce douche. T'es sûr que c'est pas douche? Ça pourrait facilement être ça. Je reconnais une chienne. Quoi? Ah, j'ai réussi à faire... Hey, fais pas ça quand je bois du café. Après, j'ai craché. Juste tin, au platine. This music is my getaway. I think about it every day. Let's see what they gon' talk about. When I let it all out. Oh, on a raté notre coup. Il n'y a pas une fois, je pense que dans toute ma vie, qu'on aura fait une intro sans niaiser. En tout cas, mon intro, c'est quasiment triste. T'embarques trop? Oui, j'embarque trop. Donc, Justine au platine, Justine, Stéphanie, je sais ben que oui, vous connaissez. Ben oui, enchantée. Vous connaissez d'ailleurs, mais pas dans cette chronique-là. Non. Ben. Oui, une fois au palmarès. Aha. La dernière du palmarès, c'était Justine au platine. Ah, c'était Justine au platine? Oui. T'es sûr? Avec No Doubt. T'es sûr? Oui. Ah ben, Colin, t'as raison, Colin. T'es sûr? Je te crée pas. Sûr. T'as le jeu. Je sais pas. Donc, on reconstruit un petit peu ta vie en parcourant musicalement tes choix depuis la naissance, presque. Dans ben, sérieux, platine. Oui. Oui, quasiment. Tori Amos, aujourd'hui. Amos. Pas Amos and Andy, Thermos. Oh! Comment on l'appelle? Thermos, oui, effectivement. Ouais. Oui, Tori Amos, une artiste qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué mon enfance, mon adolescence, ma vie au complet. C'est une Russe fuck. OK, t'as pas plus bizarre que ça dans la vie en termes de pianiste, là. Je vous avertis tout de suite, là, c'est assez spécial, mais ça a marqué tellement ma vie que j'ai pas le choix de vous le présenter. Donc, en fait, en ordre logique, dans ma vie, on avait dit, Stéphanie, t'avais entendu ma chronique sur No Doubt. Ben oui. Dans ce temps-là, j'avais à peu près 7-8 ans. Après ça, ça a été The Cranberries, le groupe irlandais, Lassa de Sella, la canadienne qui est dans le fond mexicaine, qui est bien des affaires. Jean-Pierre Ferland, Jean Leloup aussi, qui ont beaucoup marqué mon enfance musicale avec leur québécois bien sonné. Et Vince Guaraldi, mon petit spécial de Noël. Mais cette semaine, c'est tout autre. Je vous avertis tout de suite, là, tenez-vous bien droit sur la route, là. Tenez votre volant comme du monde parce qu'ils ont tous fait le même geste de sortir leur sein. Oh oui. Mathieu, serre tes seins. J'ai-tu gagné? C'est que je l'ai jamais fait. Oui, Steph a un petit peu gagné par une avance de 3, 4, 5 points. C'est généreux quand même, mais ouais, bon, généreux. Mérité. Donc, Tori Amos est née du nom Myra Ellen Amos le 22 août 1963, ce qui fait qu'elle est un lion. Ça n'a aucun rapport. Elle est née en Caroline du Nord lors d'un voyage de famille à l'extérieur de sa ville d'élevage à Washington, D.C. Sa ville d'élevage, c'est là où elle a été élevée. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'était quoi? C'est pas sa ville natale parce qu'elle est née en Caroline du Nord. Mais sa famille vient de Washington, D.C., à Georgetown, Washington, D.C. Donc, ils ont comme accouché sa route. En gros, c'est ça que ça veut dire. Oh, dans un étable ou... Non, vraiment dans une vieille, dans une vieille hôpital. C'était un vieil hôpital. She was born in Amos. Non, c'est non, j'essaie de faire un autre jeu de mots que la ville d'Amos. Damos d'Aragon. Ouais, bon. Elle est. Ça commence. Elle était la troisième enfant du révérend Dr. Edison. Et, ouais, il était révérend et docteur en même temps. Hein, et de Mary Ellen Amos. Comme quoi les révérends ne chôment pas quand ils ont l'autorisation de se reproduire. Hein, trois enfants, puis c'est pas la dernière, je pense. Dès l'âge de genre 2 semaines, elle se met à jouer du piano. Non, mais quand même. Ah oui. À 5 ans, là, elle composait déjà des chansons et elle a été admise sur une bourse au Conservatoire de musique Peabody, un des plus grands conservatoires du monde qui se situe aux États-Unis. Et à 11 ans, elle s'est faite mettre dehors, apparemment parce qu'elle aimait la musique rock, selon Tori Amos, mais aussi, surtout, parce qu'elle détestait lire la musique en feuilles. Donc, gros problème, si t'es dans un conservatoire de musique puis t'es censé apprendre à lire des feuilles puis t'es pas capable, il y a un problème. À 13 ans donc, de retour à Washington, D.C., son père révérend, je vous le rappelle, l'amenait jouer dans des bars gays où elle a appris à faire les meilleures fellations du monde. Ah, oh, intéressant. Oui. Oui, ça, c'est ce qu'elle a écrit. Bel élevage. Oui, bel élevage. Non, non, mais je dis pas que son père l'a encouragé là-dedans. Okay. Parce que quand elle était rendue, mettons, à 15, 16, 17 ans, elle a fait vraiment longtemps des piano bars puis des bars gays. Elle a côtoyé des barman qui savaient comment ça marchait l'engin masculin. Hein? Mm-hmm. C'est tout ce que j'avais à dire. Et en 1986, elle quitte Washington D.C. pour aller à Los Angeles et fonder le groupe Why Can't Tori Read, faisant allusion à son incapacité de lire la musique en feuilles. Ah! Ça l'a vraiment traumatisé, cette histoire-là. La sortie de l'unique album de ce groupe mauvais, entre parenthèses, qui affectionnait bien les synthétiseurs, fut un flop total, mais elle devait toujours rendre des comptes à la maison de disques avec laquelle elle avait signé pour 6 albums. Donc, il restait 5 albums à pondre. Donc, elle écriva Little Earthquakes, son premier album solo, qui marqua son entrée en force sur la scène musicale. Donc, elle s'est strippée du reste de son équipage musical, puis elle a donné un produit beaucoup plus acceptable. Très excellent, cet album-là, d'ailleurs. Et son deuxième album, Under the Pink, fut encore un plus gros succès. Et finalement, son troisième album, Boys for Paley, demeure l'album qui a connu le meilleur départ outre-mer. Et c'est l'album duquel je veux vous parler aujourd'hui. C'est un album qui a vraiment assez beaucoup marqué le début de mon adolescence. Là, je commençais à découvrir un peu la musique, là, à quel point c'est puissant puis que ça peut juste comme genre te clouer au... Ben, moi, j'écoutais la musique sous le divan. Je mettais le CD dedans, le lecteur CD, les enfants, ceux qui n'ont pas connu les CD. Il y a un petit plateau qui sort d'une machine. Là, tu mets un CD, c'est un disque. Là, tu le mets, tu fermes. Un bout de plastique avec un trou dedans. Un beigne. Un beigne. Mais ça se mange pas. Non, c'est ça, ça se mange pas. Tu serais surprise qu'il peut me rendre enfant. Non, on n'aura pas le temps. Quoi? Hein? Donc, parmi tous les albums que ma mère, qui affectionnait beaucoup la musique, avait, il y avait cet album-là et je l'ai écouté en boucle, en boucle, en boucle, à des reprises dans mon Walkman, dans mon Discman, dans tout ce que même. Je me trouve bête. N'importe quoi qui lit de la musique, bref, et j'ai été complètement foudroyée par la musique que j'ai entendue. L'album était sorti en 1996, mais c'est plusieurs années plus tard que j'ai découvert l'album. L'album qui compte d'ailleurs 18 chansons. La majorité enregistrée dans une vieille église irlandaise en campagne, sur le bord d'un champ. Et toutes les autres chansons en Louisiane. Là, lesquelles, là, je ne sais pas quelle chanson est enregistrée où, là, mais il y a vraiment cette sonorité-là, cette espèce d'énergie du Sud et l'énergie de l'église qui transparaît énormément dans cet album-là. Et Tori Amos a écrit toutes les chansons. Et pour la première fois, elle était productrice de son album. Première fois, ben là, elle avait juste sorti 4 albums là, avec Why Can't Tori Read. Mais la raison pour laquelle elle a produit cet album-là, c'est que lors de l'enregistrement de son album précédent, Under the Pink, l'échec de sa relation amoureuse avec son coproducteur Eric Ross a inspiré le contenu de Boys for Paley. Elle a dit que l'échec de cette relation l'a poussé à revoir sa relation avec les hommes et la masculinité. Donc, Tori Amos a pris son baluchon, est allée à Hawaï pour apprendre au sujet de la déesse Pele. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la déesse Pele. Une pelle. Sarah Pele. C'est la déesse des volcans, du vent, du tonnerre et du feu. Bref, à peu près n'importe quoi qui fait BAM! Non, pas du feu, ça fait pas BAM, là, mais vous comprenez. Ça dépend ce que ça brûle, j'imagine. Ouais. Bref, quelque chose qui crame. Là. Et elle voyait un peu l'écriture de cet album-là en production indépendante comme le geste de nourrir la déesse Pele de tous les hommes dans sa vie. Donc, Eric Ross qu'elle avait quitté et tous les hommes qui sont venus après qu'elle essayait de refaire une relation avec puis ça fonctionnait pas. Et bref, un espèce de gros échec avec tous les hommes dans sa vie à partir de ce moment-là. Puis, elle a décidé de revoir un peu sa féminité puis son espèce de côté féministe très, très, très, très fort et très, très exprimé dans cet album-là. Et on est encore à Hawaï, je vous le rappelle, lors d'une cérémonie indigène avec un chaman. Elle a pris des drogues hallucinogènes et elle dit avoir fait la rencontre du diable. Oh, rien de moins. Mm-hmm. Et ça, c'est des affaires parce que c'est de ces affaires. Moi, ça me dérange pas. Tu peux prendre la drogue que tu veux. Mais moi, je suis bien contente parce qu'apparemment, cette expérience a inspiré ma chanson préférée de tous les temps, Father Lucifer. Et Father Lucifer, qui est une chanson que vous allez voir, est assez particulière, mais qui est très touchante en même temps. Et on s'attend pas à ce que ce soit écrit suite à un trip de moche, là, tu sais. Mais c'est assez spécial. Je vais vous la faire entendre immédiatement. Et après ça, on va revenir en chanson. Hey. drizzle to the rain. Tell me that you're still in love with that milkmaid. How the Lizzies, how's your Jesus Christ been hanging? Sweater, 'cause it's cold, cold, cold in my hole, hole, hole. Ratatouille, strychnine. Sometimes she's a friend of mine with a gigantic whirlpool that will blow your mind. Hello, Mr. Zebra, right into some confusion with the Mrs. Crocodile, dial, dial. Marcel's marching on. She thinks she's Kaiser Wilhelm, a Russell, a syllable to blow your mind. Figure it out, she's a good old fella. She got a little fun to fight for money, pennies, rides. Figure it out, she's a good old fella. Too bad the burial was premature, she said and smiled. time. You get closer and closer. Oh, call my name. There's no way you stop them. I rent your wife and kids today. Yeah, maybe she will. I said, oh, maybe she will. Call it like she's dreamed a little dream. C'était Tori Amos avec un échantillonnage de 4 chansons qui proviennent de son album Boys for Paley, un album qui a beaucoup marqué mon adolescence, pré-adolescence, entre parenthèses, quand il pousse du poil. Et j'espère que ça vous a fait voir en général de quoi a l'air l'album. J'ai vraiment été chercher un peu toutes des chansons qui sont très différentes. Mais autant que ça peut être sombre, autant que ça peut avoir beaucoup d'âme, beaucoup de soul, avec la dernière chanson d'ailleurs qui est chantée avec un chœur en Louisiane. Donc, ça sonne très sud. Puis après ça, Tori Amos en fait, après Boys for Paley, elle a fait beaucoup, beaucoup d'autres albums. Elle a fait 11 autres albums. Je peux pas vous dire qu'ils sont tous bons, malheureusement. À un certain moment donné, ça devient édulcoré, son affaire. Mais les 3-4 albums après ça sont excellents. Il y en a un qui c'est un album cover avec un paquet de chansons qui traitent de femmes, de féminité, du rôle des femmes. Et c'est un album cover qu'elle a écrit lorsqu'elle était enceinte. Il y a des chansons, entre autres, comme Searching for a Heart of Gold. Heart of Gold, là, de... cette chanson-là, là, sa reprise est très bonne. Et j'ai un blanc, là, parce qu'en fait, ma chronique ne porte pas sur cet album-là. Mais la chanson des Beatles, où ce qu'elle, Happiness is a Warm Gun, cette reprise-là de elle est vraiment assez puissante. Déjà, la chanson, à la base, est assez quelque chose, là, mais son cover est très bon aussi. Donc, c'était... grosso modo, un espèce de survol d'un très petit échantillonnage de ce que j'aime chez Tori Amos, parce qu'en fait, là, j'ai dévoré à peu près toute sa discographie le long de toute ma vie. Mais ça va avoir commencé dans mon adolescence, là, que ça a vraiment fait une différence dans ma vie. Puis ça m'a aidé un peu à... Tu sais, quand on est ado, là, on a des boutons, on est lettres, on n'a pas envie de vivre. Puis ça m'a aidé à gérer ça un peu, là. Puis qu'est-ce que vous avez fait dans le temps des fêtes? Bon, le calendrier un peu. C'est fini. Chef, Gaspésie. Quoi? Gaspésie. Ben oui, je suis allée me les geler en Gaspésie. Ah, je pense qu'il faisait aussi froid ici. Ah, ben c'est ça, je m'en allais demander. Non, je pense qu'il a fait plus froid ici de ce que j'ai entendu, parce que j'aime bien parler température. La pluie et le beau tort. Ariane Moffat, wink wink. Qui sort de ce corps? Arrames-tu? ouais, moi j'ai rien fait. Fait que moi j'ai jamais d'anecdote parce que je fais jamais rien. Mais tu dois avoir fait au moins la même chose que moi, c'est-à-dire au moins manger. Mais moi j'ai bu beaucoup, probablement pas Mathieu. Non, pas tant que ça. Trois quarts d'une bouteille de vin. On a encore un shooter de mojo puis t'es sous. Moi, je suis. On a vu ça. C'est pas ben long. Hein? Ouais, moi, j'ai eu une crise de foie. Oh non. Oh, oui. Dans ouais, mes plans. Ouais, j'ai eu une crise, je pense, de vésicule biliaire. Là. En tout cas, j'étais pliée en deux. J'étais à terre. Je me suis réveillée la nuit. En fait, je me sentais super bien. Puis après ça, paf. En tout cas, c'est foudroyant. Ça fait très mal. Fait que ceux qui ont des pierres à la vésicule biliaire, ça, c'est 80 % des gens. Mais ceux qui c'est symptomatique, là, je vous lève mon chapeau de vivre ça. C'est pas le fun. Pas en tout. Ouais. Tu lèves ta tuque rose. Oui. Elle est pas rose. Oui. Ben, elle ouais. est corail. Non, saumon. Hein? Non, corail. Corail. Corail. Tes écouteurs sont quelque part rouge. Corail. Corail. Okay. Corail. Bon, ouais, corail. Corail. Ça a bien de sens. Hey, merci, Justine, d'être déménagée au mercredi pour nous. Eh hey, oui. Ouais. Vous avez, j'ai aucun problème. J'ai fait mes boîtes. Le déménageur, il n'y a rien. Pas scratch chamber, rien. Que... c'est pas mal pareil comme le jeudi, tu vas voir. Ça passe pas grand-chose de différent. Oui. Ouais. Ouais. Mais je vais être là dans mercredi deux semaines. Plus tard. Dans le dans les maritimes. C'est ça. Donc, aux deux semaines, les mercredis, le prochain, ce sera le 22 oui. janvier. Je vous dis pas tout de suite c'est quoi qu'on va écouter, mais je vous promets que ça va être un petit peu moins troublant que ça. Non, en fait, je peux pas vous le promettre parce qu'on va être encore dans ma phase adolescente. Ça, ça dépasse les choses à mais vous allez connaître le groupe, ça, je suis pas mal sûre. J'ai une petite idée de qu'est-ce que je vais mettre. Vous allez connaître le groupe. Et fait que c'est un groupe, puis on le connaît peut-être. Ah, mais là, j'ai hâte. Il en reste. On dirait les devinettes des soirées cachées. Ouais, c'est tellement flou. Ça a du poil, ça sent pas bon. Sauce de noix. Oui. OK. Non. Donc, mercredi dans deux semaines à 7h30, oui. Justine Renaud et Justine au platine. On va être plus en forme, hein? Je sais pas, pour toi, moi, sûrement que je vais être dans la même forme, c'est-à-dire juste correct. Là. En forme d'humain, en forme de gars. Ouais, genre. Sans monosourcils. Ouais, ouais. À la semaine prochaine, dans deux semaines. Ciao. Bye. Dans ta tête que c'est désagréable. Come on! Ça dure beaucoup trop longtemps. Ça dure encore. Ah, ça, il reste encore un bout de temps d'ailleurs. Donc, Doge Adventure, c'est Doge, là, D-O-G-E. Cherche sur YouTube. Là, c'est un petit chien avec un beau petit regard. Est-ce qu'on est obligé? Ben, tu dis chercher. Ben non, mais taper D-O-G-E sur Internet, non. C'est un mime en ce moment. C'était super à mode. Ça crée le buzz sur les interwebs. Les interwebs? Oui, toutes les interwebs en parlent. Donc, Doge, au retour. La chronique, c'est un fait. Assemblage requis, restez avec nous. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Ça m'a pris par surprise. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Retour à l'assemblage requis. Assemblage requis. 8h11, hein, c'est mercredi matin, 8 janvier. Salut Stéphanie Paradis. Salut Mathieu Plante. Toujours avec Justine Renaud aussi. Ah oui, I stick around. Je suis non voulu. Stick je around, la cadavre. Non, c'est pas ça. Oh. Stick around. Mais c'est pas la chanson genre Turn around, bright eyes, every little time, got it well. Ben, c'est ça. Need you all tonight. Mais il faut que tu changes les paroles. OK, stick around. Ouais. OK. Ça me rappelle cette chanson de Philemon Chante. Mais il chante bien, lui. Ouais, lui, il chante bien. Ça. Bien. On chante bien? Dose, dose. Deux trompettes en duo. On n'a jamais entendu ça. Bravo. Je suis vraiment trop pétisse de la gueule à matin. J'ai rien d'autre à dire. Ouais. C'était Philémon Simon et son extrait Soleil Blanc, Assemblage requis. T'étais-tu sûr que c'était une trompette? Je sais pas. Mais c'était pas un gazou, en tout cas. OK. C'est écrit en arrière. On pourrait tout dire ce que c'était pas. Hein? C'était pas un piano. Un pipeau. Un pipeau. Justine, pas de réponse. Non. OK. Bon. Donc, sur ce, et doge, voici, c'est un fait. Oh. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. On fait les chroniques deux fois cette semaine. Pour ceux qui suivent, là, on l'a fait lundi aussi. On va faire deux fois cette espèce de réponse-là. On va faire deux fois plein d'affaires. Ce sera pas le même contenu, j'espère. Pas le même contenu, non. Non, je vais essayer. Un plat rond, un plat carré. Contenu. Ah, contenu, OK, contenant. Ah, là, c'est fair. Oui, hein, ça. C'était juste que tes vendeurs, c'était pas work, là, Steph? Oui. Ben, c'est ça. Je voulais juste comme faire vraiment une joke tellement éloignée que j'ai été chercher dans le fin fond du... Ben, c'est comme t'as cherché un plat, un couvert pour ton plat dans le fond de l'armoire. Ah, ça, c'est la pire chose du monde. Et quand j'étais petite, là, ma mère, elle allait travailler, puis je faisais le ménage de ses plats Tupperware pour la rendre heureuse quand elle revenait. Donc, les enfants à la maison, si vous écoutez, vous avez 7 ans, là, faites ça, là... Pas de punition pendant un mois, promis. Mais ça devait pas durer longtemps, hein, quand même. Ben, le bordel, l'ordre. Il s'en faisait tout le temps, mais je faisais le ménage à peu près une fois par mois. Là, j'étais vraiment zélée. T'es fine. Puis là, j'ai arrêté d'être propre un moment donné. Je suis née propre, j'ai arrêté d'où l'odeur. D'être propre. Mais c'est plus le fun de faire le ménage chez les autres que chez soi-même. Non, mais c'était chez moi. Non, mais c'était pas pour toi, je veux non, dire. Non, c'est vrai. À 7 ans, tu t'en sacres. Ouais, non. Mais je vais vous dire une affaire. Mais en fait, Mathieu, t'avais une chronique. Hey, on a tout le temps devant nous. T'étais la seule chroniqueuse aujourd'hui. Écoute. Moi, là, je suis le genre de personne qui lave une fois par, genre, mois, OK? Puis là, ça me pogne une rage, genre, je vais comme tout laver, là. Je vais laver le store, je vais laver les murs avec, je vous jure. Laver ta blonde. Mais, oui, c'est ça, mais... À brosse. Ben, juste on à la lave tasser. Juste une fois par mois. Juste à se tasser. Mais non, vraiment, il y a des gens là, qui sont capables là, de faire un ménage quotidien, là, mais moi, la chose, c'est que je pars le matin et c'est le bordel, là, mais à chaque matin. Ben oui, moi aussi. Ben, pas tant le bordel que ça, là, mais je veux dire, j'ai rangé mon linge dans la salle de bain, là, je l'ai mis dedans le bac, mais le bac, je vais le laisser sortir de mon garde-robe. Là. Je suis juste pas capable de serrer les céréales, de fermer les armoires, je suis juste pas capable. Ben moi, en fait, mon linge propre est présentement encore dans la sécheuse. Ah. J'attends juste que ma belle-sœur ait besoin de la sécheuse. Fait que là, elle va le mettre dans le panier, puis elle va juste me l'emmener dans ma chambre. Je vais faire comme, bon, ben, c'est mon ultimatum, là. Ouais, c'est vrai. Faut que je range mon linge. Il me faut un ultimatum, moi, avec. Mathieu, ta chronique. Ouais. Hey, gars, juge-moi pas, c'est pas le bordel chez nous. C'est pas parce que j'ai un paquet de putes dans tous les coins que c'est un bordel. Un paquet de putes? C'est une blague de bordel. Mon un bordel. Dieu. Ah! C'est une blague de bordel. Je devrais dire péripatéticienne. Péripatéticienne. Paripatée? Paripatéticienne. Ah oui, excuse-moi. Une comment? Paripatéticienne. OK. Pâté chinois comme les paris dans la petite vie, ça. Paripatéticienne. Péripétie, oui. Donc, à 4 minutes du début de la chronique, commençons là. Aujourd'hui, dans cet effet, c'est le top des... En fait, ben, c'est comme une liste, comme dans son foutu palmarès, sauf que c'est des faits, fait que je l'ai mis dans cet effet. C'est les faits sur Apple que vous savez peut-être pas, que vous connaissiez peut-être pas. Intéressant, ça. Moi, j'ai écouté le film récemment, le Jobs. OK. Ouais, avec Ashton Kutcher? Ouais. Mm-hmm. Ouais. Moi, j'ai regardé la pochette. Je suis rendu là. J'ai regardé la pochette, puis là, je vais regarder bientôt le film. Là. Le sur mute, juste pour voir Ashton Kutcher avec sa barbe. C'est quand même bien, là. Mais oh, c'est oui, ça m'intéresse, là. Il est pas en tout sympathique comme personnage. Ouais. Moi, ça m'a pas inspiré, l'amour de Steve Jobs. À l'inverse, moi, je trouve plus que c'est un gros trou de... Ouais. C'est ça. Nez. Un génie trou de... Regardez ce film-là pour vous divertir et non pas pour vous renseigner sur l'information sur Apple. Le jeu d'acteur est très bon. Exact. Donc, le fabricant informatique Apple, entreprise quand même assez secrète. Il y a des choses qui ont filtré à travers les années, des choses qu'on connaît. Là, des grenouilles. Donc, oh, c'est ça. Donc, on ne parlera pas de ces choses-là. On va y aller avec des choses un petit peu plus obscures par The Guardian. Steve Jobs était un enfant adopté. Oh! C'est vrai. Scandale! C'est pas un énorme secret, mais l'origine syrienne du père biologique de Steve Jobs est en fait moins connue que l'homme d'affaires a révélé publiquement alors qu'il était à la tête de l'entreprise. En 1955, Joan Schibel et Abdul Fattah Endali mettent Jobs en adoption, cédant à la pression exercée par les parents de Joanne. Le couple se mariera éventuellement avant d'avoir une fille qui est la sœur biologique de Jobs. Le premier ordinateur d'Apple avait un prix satanique. Un prix satanique. Le prix de l'Apple One, affiché à $666.66, a été déterminé par son concepteur sans que celui-ci réalise la connotation satanique du nombre. Franchement, c'est... fait nous rire, là. En effet, Steve Wozniak, qu'on a vu aussi dans le film Jobs, également cofondateur de l'entreprise, a choisi de vendre l'ordinateur avec une marge d'un tiers de son coût de fabrication. Et il s'est dit exactement le tiers du coût de fabrication qui a ajouté aux $500. À la base, ça fait 666 et 66. Il a préféré répéter le même chiffre plutôt que d'arrondir à 667 parce que c'était plus facile à taper. C'est vrai que c'est plus facile à taper. Quand même. Comme le diable. Parce qu'apparemment, il y a deux engins dans certaines religions. Il y a le... On a parlé dans le précédent, c'est un film. Il y a des engins. Que le diable a deux pénis. OK. Fait que c'est facile de se taper le diable. C'est ça? C'est pour ça, ouais. OK. Il est biphalique. Ouais. Oui, exactement. Y a-tu deux sourcils? L'histoire ne le dit pas. Apple n'expédie rien par bateau. Non, rien du tout. Apple est le plus important client de Cathay Pacific, une compagnie aérienne basée à Hong Kong. L'entreprise californienne préfère expédier ses produits par avion, un moyen de transport hautement plus rapide qui lui permet de maintenir un plus petit inventaire. Acheminer ses produits des États-Unis vers la Chine par avion ne prend qu'une quinzaine d'heures, plutôt que les 30 jours imposés par la voie maritime. Elle peut ainsi vendre ses produits plus rapidement et son inventaire est également moins à risque d'être perdu par naufrage ou par détournement de bateau. C'est des pirates, ça existe encore. Tu peux les vendre plus cher aussi parce que ça coûte cher l'avion comparativement au bateau. C'est comme une taxe que tu payes, mais au moins tu le rapide. C'est vrai, ça n'existe pas, des pirates aériens. Je vais inventer ça. Les pirates. Ça, ça doit être moins évident. Hein? Vous envoyez des boulets de canon. Non, mais embarquer dans un avion en marche à partir d'un autre avion en marche. Oui. Ben dans Star Trek, les vaisseaux, ils embarquent du monde dessus. mais ils se téléportent. Des sentinelles de l'air, là. mais eux autres sont soutenus par des cordes, là. S'ils tombent, mais ils sont retenus, eux autres. Bref. Je vais sauter par-dessus le prochain fait. Que je vais vous dire que c'est que le Macintosh est une variété de pommes canadienne. On sait. C'est le fun mais que t'en parles pas. Blague, hein? Moi, quand j'étais petite, saviez-vous que je pensais que les Macintosh, c'était des espèces de pommes qui sont vraiment là, rouges, là, vraiment foncées, mais que genre, les petits... Il y a comme genre des espèces de petites bosses en dessous. La pomme poire? Non. La rouge délicieuse? Mais ça se peut. Mais que genre... déconnais tout. Oui, personnellement. La pomme là qui est comme genre plus large en haut qu'en bas, puis qu'en bas est super étroite. Puis mais comme c'est des ça, la rouge le... délicieuse. C'est une rouge red delicious. Bon, cherchez vos pommes pendant qu'on parle d'autres choses. Oui. Pépine. Certains fans de jeux vidéo sont au courant, mais pour ceux qui ne savent pas, Pépine, qui était la console de jeu signée à Apple, Microsoft n'est pas la première entreprise jouissant d'une forte réputation dans le domaine de l'informatique à s'être aventurée sur le marché du jeu vidéo. Lancée en 95 alors que Steve Jobs n'était plus au sein d'Apple, la Pépine se voulait être un véritable système de divertissement complet. Contrairement à l'initiative de Microsoft avec sa Xbox, la Pépine a été un lamentable échec. De retour aux pommes. C'était la rouge délicieuse. Voilà. Les photos des produits d'Apple ne sont pas des modèles 3D. Tu sais, sur le site d'Apple, dans les publicités, c'est pas des modèles 3D. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les images utilisées dans les publicités d'Apple ne sont pas modélisées avec un logiciel. Il s'agit plutôt d'un amalgame de photographies captées en haute définition avec un objectif à profondeur de champ étroite. Donc vraiment, ils vont prendre des vraies photos sur fond blanc de leurs produits et c'est ce qu'on retrouve sur les sites web. Tu sais, sur le site web d'Apple, les produits ont tous les coins ronds, parfaitement symétriques, les lignes sont droites. On dirait vraiment que c'est un dessin 3D par ordinateur. Mais non. Ben, coudonc. Incroyable. On revient à Steve Wozniak, qui est toujours un employé d'Apple. Steve Jobs et Steve Wozniak ont fondé Apple en 76 dans le garage des parents adoptifs de Jobs. Je pense qu'on peut arrêter parents adoptifs une fois qu'ils sont rendus parents. Il est adopté. Bien que Wozniak ne travaille plus activement pour la société, il est toujours officiellement employé d'Apple et reçoit un salaire annuel d'environ $120,000. Ah, pauvre chou, hein? C'est tout? Triste, hein? Hey man, l'autre, il doit faire genre des millions. Ben, il est mort. L'autre, il est mort. C'est ça, j'allais dire. Mais il est mort. He's dead. T'es tout le temps en train de parler de genre mort, hein? Oui. En fait, ça fait deux fois en carrière, je pense, mais je l'ai retiens. Selon Mona Simpson, qui est la sœur de Jobs, les dernières paroles de l'homme sur son lit de mort furent, et je cite, « Oh wow, oh wow, oh wow », alors que celui-ci regardait par-dessus les épaules de sa famille. Je sais pas si c'est par douleur ou par... mais oh wow. Triste, hein? C'est normal bizarre. Il disait même pas ça au lit. Ben, je m'excuse, là, c'est un homme défunt, je devrais pas dire ça, là, mais ça. Là... Non, mais ça dépend, ça fait combien de temps, là? Qui a fait l'amour? Deux ans qu'il est mort, peut-être. Bon, on a le droit. Trois ans. Après un an, il me semble que t'es clair. Apple n'a pas un, pas deux, mais trois fondateurs. Bien que les deux Steve, Steve Jobs et Steve Wozniak, jouissent d'une plus grande popularité, la célèbre entreprise a également un troisième cofondateur, Ronald Wayne. Wayne qui a dessiné le premier logo de l'entreprise. Il a rédigé l'entente de partenariat original de la société et le manuel de l'Apple One. Il a vendu ses parts de 10% deux semaines après la fondation d'Apple pour la somme de 800$ afin de régler des dettes. Et ses actions le valent 35 milliards de dollars aujourd'hui. Hey, oh boy, ça doit faire mal. Ouch. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Ah, c'est dit. Je pense le lendemain. Il faut remercier Johnny Ive pour la couleur de l'iPod blanc. Johnny Merci. Ive. Ouais. Steve Jobs était contre l'idée d'un produit blanc au départ, mais s'est laissé convaincre d'utiliser le blanc comme couleur primaire des produits Apple par le designer Jonathan Ive. Tel que mentionne la biographie du célèbre concepteur, c'est grâce à une couleur nommée gris lunaire que Jobs aurait abdiqué. Obsession de l'emballage maintenant. Apple porte une attention particulière à l'emballage de ses produits. On le sait tous, on est toujours impressionné d'ouvrir ça. À tel point qu'il existe une salle secrète dédiée à l'évaluation de ceux-ci et à même son quartier général de Cupertino. Les concepteurs des emballages passent des heures à ouvrir les boîtes des produits afin d'évaluer quelle sera la réponse émotionnelle du client lorsqu'il ouvrira son produit. Voyons donc. Tu sais, quand on va sur YouTube taper iPod ou genre iPad Air Unboxing, il y a des gens qui postent des vidéos d'unboxing à la tonne et on peut aller voir ça. Puis il y a des millions et des millions de vues sur des unboxings qui sont bien faits de gens qui ouvrent la boîte d'un produit, qui montrent les instructions, les fils, puis l'appareil, puis qui l'installent. Les unboxings sont extrêmement populaires sur YouTube. Wow. Ah. Mais moi, tu me parlais de cette pièce-là où les gens testaient les emballages. Moi, je voyais plus comme des gens heureux en se lançant des boîtes et du styrofoam et en courant, gambadant. Du papier bulle. Lui, il n'est pas fan du papier bulle. Hein? Il n'y en a pas dans ses produits. Non. Non, moi, c'est suspendu dans du plastique. Genre. Bon, ben j'aime pas ça. Moi, ça me prend du papier bulle. On va y dire ça. Maintenant, selon une récente biographie non autorisée de Johnny Ive, le même gars qui est responsable du design, l'auteur Leander Caney révèle que les haut-parleurs de l'iMac G4, ça c'est leur ancien modèle d'ordinateur, le gros là, l'ordinateur du bureau, étaient volontairement disposés côte à côte du tube de son écran afin d'évoquer l'image d'une paire de testicules. Selon l'autobiographie, non, la biographie non autorisée, pardon, de Johnny Ive. Donc, tapez iMac G4 sur Google Images, iMac G4, pour voir de quoi ont l'air les haut-parleurs. En fait, j'ai la première image, je peux vous la montrer, c'est plus facile pour vous. Les petits haut-parleurs étaient sur le côté de l'ordinateur pour faire genre. C'est ça. Et les gars et leur phallus, je pense. Ah, ça se peut-tu. Voilà pour cet effet, tout le temps pareil. Hein? C'est cool, hein? Oui, c'est très cool. Bon, pour ceux que ça intéresse. Sinon, dans quelques instants, on a quelques autres affaires à faire dans la prochaine demi-heure. Entre autres, 5 semaines, ça ne devrait pas. On l'a, Steph. Mm-hmm. On va acheter des affaires. Oui, je suis prête. J'ai fait sauter ma page de Google en essayant de toutes les ouvrir en même temps. OK. Ça marche pas. C'est pas grave. Non. Sans ta carte de crédit, ça va être bien correct. Parfait. On va s'arranger avec ça. Fait que mon numéro, c'est le... Et le petit code de sécurité en arrière, c'est Jobin avec la pièce Soweto. C'est ça mon petit code de sécurité, j'aime ça. C'est pas pire, hein? Tu l'as nommé en hommage à ta chanson préférée du Papa. think it is over. You can see a new light shine over. Listen to me, let me be named Soweto. Jobin! Hey, hein, la mélodie de ta voix. Soweto! Au retour avec toi dans la chanson et c'est spécial de répondre là, deux chroniques. Si vous connaissez les titres, ça doit vous exciter. C'est au retour à Assemblage Requis, c'est là. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou! 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Vous revoilà à Assemblage Requis en ce mercredi matin 8 janvier 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, je m'appelle Stéphanie Paradis. On est toujours avec Justine Renaud. Oui, qui est sur le bord de quitter. Ah non, elle s'en va. J'ai des affaires à faire, sinon je resterai toute la journée. Ah, ce serait le fun. Toute la journée, tu serais toute seule, d'après moi. Une année, on va fermer les lumières, je vais être toute seule avec les mousses. Les mousses? Des mousses, là. Celles qui roulent par terre ou les mousses de micro? Les mousses de nombril. Les mousses de micro, porteurs de la gastro, probablement. On est du retour du temps des fêtes. Tout le monde a la gastro. Moi, j'ai tellement peur des mousses. J'ai pas vu personne avec la gastro, moi encore. Moi non plus, mais les voix pas sont toutes à la maison. Ben, les gens viennent pas animer cette semaine. Ben, les cours sont pas encore commencés. Ah, on est encore correct. Fait qu'ils ont resté tout le temps des fêtes vierges. Genre, si on veut. Donc, ce qu'on va faire maintenant, hey, tiens, tu vas peut-être manquer l'intérieur de la chronique, mais tu vas quand même être là pour le début. Stéphanie, l'intérieur. Le moelleux dans le centre. Celui-là est dédié à Stéphanie, ce petit bloc que voici. Écoutons-la donc, la chanson. C'est Écoutons la dans la chanson, le quiz musical d'Assemblage Requis. On fait ça une fois de temps en temps. Et Stéphanie, tu vas devoir, pour ta première émission officielle en tant qu'animatrice... Je suis stressée, là. Ça va être difficile, là. T'as une barre assez haute là, de la part de JP. Une méchante barre. J'ai pas de barre. Pas de barre, non, rien. Donc, tu vas devoir deviner le lien qui regroupe trois chansons que je t'ai choisies. Trois chansons qui ne fitent pas du tout ensemble, mais que j'ai mis dans un ordre approximatif ici. Tu vas les écouter, tu vas me dire à la fin quel est le lien qui les regroupe. C'est de la musique. C'est de la musique. Donc, on entendra plus tard dans le bloc Tricot Machine et Malajube, mais on va débuter avec un artiste qui a vraiment passé très inaperçu, mais qui a fait un petit tabac quand il a sorti cet extrait-là. On écoute Attitude polaire, entre parenthèses, ta tronche. Écoutons là-dedans la chanson. Yeah. Bon, voilà, c'était les trois extraits du bloc Écoutons dans la chanson. Stéphanie Paradis, oui. Ouais, mais c'est pas évident. Non, ben veux-tu que tu les nommes? Ça pourrait t'aider? Ben écoute, non, ben je me souviens, tu m'as nommé tantôt. OK, bon, ben vas-y par réflexion, faut que tu trouves le lien entre les trois pièces. OK, donc la première qu'on a entendue, c'était Attitude polaire, si je me trompe pas. Ben, la première et la dernière, je trouve, mais à peu près. Ouais, c'était juste une petite outro. C'est un petit outro. Exact. Ensuite, Malageux, ouais, c'est avec Montréal moins 40. Mm-hmm. Puis Tricot Machine, Chasse-Neige. OK. Là, je sais pas où tu vas t'en aller avec ça. Ben là, on s'entend que moi, je trouve qu'il fait froid dans les trois pièces. Mais c'est comme trop évident, là. Un peu facile. Je pense que toi, t'es du genre à être plus... À me forcer vraiment beaucoup, tu sais, pour que ça sorte là, vraiment bien, tu sais, mon bloc, là. Des fois, tu forces ça. Écoute, honnêtement, là, plus loin que ça, là, je pourrais vraiment pas te dire. Est-ce que tu veux un indice? Oui, dedans. Mettons 41. 41, alcoolique? Ouais. Alcoolique. Alcoolique. Alcoolique. Regarde les autres mots dans les titres de chansons surtout. Vodka. Non. Mais polaire, vodka. Non. Il n'y a pas de la vodka qui s'appelle la... Ça se peut, polaire, vodka. Oui, la polaire, vodka. Non, pense à peut-être attitude. Tu sais, t'as de l'attitude, tu bois 41, t'as de l'attitude. T'es frais. Peut-être. Regarde le titre de la troisième chanson. Attitude. Chasse-neige. Chasse-neige. Tu vas à la chasse-galerie. T'as de l'attitude, t'es frais, tu bois de l'alcool. C'est des chansons de Soulon. OK, non, attends, là. C'est pas quand t'es frais que tu vas à la chasse-galerie. Ben, tu peux faire ton frais à la chasse-galerie pas mal. Quand il rouvre la petite porte de garage, il va. C'est à peu près ça. Mais des douchebags vont aller avoir de l'attitude, prendre un 41 à la chasse-galerie. Voilà. OK. C'était ça mon lien. OK. C'est écoute, on a dans la chanson, tu sais. Faut que tu cherches des fois un petit peu plus loin, ça. Mais je m'excuse, on dirait que pendant les touches, j'étais stressée, j'arrivais pas à écouter les paroles. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, pour écoutons dans la chanson, on va continuer comme ça. Je trouve qu'on a du plaisir jusqu'à maintenant. On a vraiment du fun, hein? Ah oui, on a tout plein de fun. On est full relax. Oui, c'est ça. Donc, ouais, on va aller entendre... on va retourner en musique déjà. OK. Je vais te l'annoncer, mais j'ai besoin d'encore une autre pause, non? J'espère que tu vas rester avec moi cette fois. Cette fois-ci, je vais rester avec toi. On va l'entendre du David Marin avec sa pièce Le Vent Vire sur le palmarès francophone. C'est une bonne idée, ça. Je vous dirais que le reste de l'émission risque pas d'avoir grand musique tant que ça. Hey, quand j'étais en Gaspésie, là, ouais? J'ai vu sa face sur une affiche. David Marin? Moi, j'étais comme regarde, maman, c'est bon, on va voir ce spectacle. Et puis, est-ce qu'il est allé? Ben, c'est pas encore passé. Ah. Je m'en donne une nouvelle. OK. Aïe, aïe, capitaine. Tout ce qui tombe à l'eau, tout ce qui tombe à l'automne, comme un matin de rentrée, un cadran qui sonne. Tout ce qui tombe à l'eau, tout ce qui fait faux bon, me donne envie de plonger. Pour voir si dans le fond y'a pas un escabeau pour me remonter le moral au-dessus des normales de saison et des jours en queue de poisson. Jusque dans le piano, les trucs que tu fredonnes en oubliant les mots. Tout ce qui tombe à l'eau me donne le goût de ramasser tombe à l'automne. David Marin et le vent vire à Assemblage requis. Stéphanie Paradis. Oui, Mathieu Plante. Ouais. Je pense que comme bien des gens à Trois-Rivières et ailleurs au Québec, tu as eu des problèmes de transport ces derniers jours. Ben oui. Fais un GP de toi-même qui raconte une histoire pas de punch, on veut savoir. Ah, écoute, check ça comment il n'y a pas de punch. Là. ben non, mais tout simplement, je pense comme beaucoup de gens, avant hier, j'ai roulé dans l'inondation. Oui, il y a des tuyaux, je sais pas quoi, de péter à Trois-Rivières-Ouest, je sais pas trop quoi, il y a des gros marais, genre. Ben, ça s'appelait plus ça un marais, pour vrai. Je me suis vraiment demandé, est-ce que j'ai besoin d'une chaloupe? Qu'est-ce que je fais? J'y vais-tu? Fait que je me suis dit, il y a des autos qui se promènent dans l'eau. Je vais y aller, il n'y a pas de problème. Mais on pense pas aux conséquences, parce qu'on s'attend pas que le lendemain, ça va retomber dans le négatif vraiment fort. Fait que tout gèle, tu sais. Fait qu'on s'est dit, on va rouler un petit peu avec les voitures pour essayer d'évacuer l'eau. Ça n'a pas vraiment marché. Moi, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais hier matin, ma voiture a décidé qu'elle ne partait pas. C'était pas la batterie, là, je veux dire. Il y avait encore toutes les lumières, la radio marchait, mais c'était vraiment, là, ça faisait... hein? Pareil comme ça. Ouais, ouais. Ou comme JP fait quand il imite ça. Donc, mon auto vulvait. C'est ça, oui. C'est une auto de fille, ça. C'est une fille. Fait que, mais tu sais, déjà en panique, il est 9h-10, j'ai donné rendez-vous à quelqu'un à 9h. Déjà, gros malaise, je panique. J'étais chanceuse, hein, mon chum n'était pas parti. Fait que je dis, ben chérie, viens me porter, ça. Fait que on embarque dans l'auto, on donne du gaz et Colin, ça part. On est juste toute contente, là, on part. Mais là, à un moment donné, quand on embarque sur l'asphalte, là, comme on dit, là, ça avance plus. Ben là, oui. Je dis, on doit être sur la glace, puis ça dérape. Mais là, écoute, là, on a beau. Ben, je dis on, excluant la personne qui parle, là, parce que c'est pas moi qui conduis. Mais écoute, change de vitesse, essaie d'avance, recule. On est vraiment jamais sur l'asphalte, en plein milieu de la rue. Fait que là, ben, on met les feux de détresse, qu'on appelle, là, les quatre flashs. Ouais. Fait qu'il dit, ben, débarque d'auto, dis-moi si les quatre trous virent. Et moi, j'en regarde juste d'un bord, tu sais. Fait que, oui, les quatre trous virent de mon bord. Fait que, il dit, ben, d'après moi, il y a un côté qui vire pas. Fait que là, tu sais, les gens qui marchent dans la rue, là, puis qui connaissent tout, là. Oui. Il dit, ben, recule, tu sais, ça va décoller. C'est parce qu'on n'est pas collé, tu sais, ça bouge un peu. Mais finalement, la roue arrière de côté conducteur, donc le côté où je regardais pas puis que j'avais décidé que ça virait, ben elle virait juste pas. Fait que quand t'as juste trois roues qui fonctionnent, ça va pas super droit. Fait que, comme un chien qui court après sa queue, finalement. C'est ça, peu genre. Non, ben pas tant que ça, mais ben, peut-être, parce que dans le fond, je conduisais pas, je savais pas quelle pression fallait mettre sur le volant pour s'en aller droit. Là. Mais finalement, le monsieur nous a poussé un peu, on a réussi à rouler un peu sur l'accotement. Mais là, ça allait mal, ça poussait tout croche, ça driftait un peu. Là, à un moment donné, ça fait « POC! » Je pense un morceau de glace qui est parti. Oh. Fait que là, ça a continué à bien tourner. Et là, moi, hier, j'étais au bureau, pas de voiture. Je dis « Mathieu, toi qui n'as pas de voiture, peux-tu me faire un lift? » C'est ça. Donc, oui. Finalement, c'est la blonde, ta blonde à toi, la blonde à Mathieu qui devait me faire un lift. Mais finalement, je pense qu'elle avait des problèmes elle aussi ouais, avec sa voiture. J'ai demandé, quand tu m'as demandé des nouvelles de la voiture, j'ai demandé à ma copine, peux-tu me donner en deux mots ce qui était arrivé comme problème? Et puis, je crois que c'était... qu'est-ce que c'était? Les breaks étaient collés, ils ont réussi à la sortir avec des Traction Aid. Voilà. Oh, d'accord. Mais bref, tout ce temps-là, j'étais comme, ben là, c'est parce que c'est long. Là, on attendait, on n'avait pas de nouvelles. Oh, sa voiture marche pas non plus, qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai rappelé mon chum, je me suis dit, il est peut-être à la maison, il va venir me chercher. Comme il y a eu une journée de bouette et il s'est écrasé un doigt au travail, donc il est retourné à la maison, donc je dis, ben viens me chercher. Il dit non, il dit, j'ai encore des problèmes avec mes roues. Fait que, tu sais, un trajet de 15 minutes, ça, il a peut-être pris le trip, là, je sais pas exactement. Mais finalement, tout était gelé. J'ai dit, OK, pas de voiture encore. Fait que finalement, c'est mon beau-père qui a fait le taxi pour tout le monde ce matin. Fait que tout le monde est gelé. Même en retournant hier, il y avait des voitures qui étaient sur les quatre flashs dans la rue. Ah, ça bloquait la circulation. Mais oui, nous autres, on s'est fait remorquer les deux au garage hier soir. Là, on voit une remorqueuse qui arrive. Hey, tout content. Fait que, ben non, c'est même pas pour nous autres. C'est pour le stationnement à côté pour l'autre bloc. Mais finalement, il y avait deux remorqueuses en même temps dans le stationnement. C'était très farfelu. Ils ont fait la pièce hier, les remorqueurs. Ah, vraiment, vraiment. Ça a fait leur année, je suis pas mal sûr. Le voyage dans le sud est payé avec la journée d'hier. Bref, c'est ça, on compatit avec vous. On a de l'empathie et les autres trucs pathies là, avec vous. Une auto puis l'hiver, c'est vraiment pas fait pour vivre ensemble. Une auto et le Québec, l'hiver, c'est pas fait pour aller ensemble.

alors que c'est inapproprié parce qu'on doit faire griller toujours nos saucisses et les guimauves sur la braise et non sur la flamme. Oh. Donc, tu dois aller comme par en dessous du feu. Tu dois être sournois avec le feu. Donc, tu peux pas arriver de plein front. Faut que tu le surprennes. C'est comme que pour le roquette, faut y enlever le roquette. Faut que tu arrives un peu comme par en dessous. Donc, c'est toujours meilleur sur la braise. Donc, ça, c'est vraiment inapproprié. Et un plaisir du camping dans la vie, c'est de gosser sa branche de bois pour faire griller sa saucisse. Et ses guimauves. Je me suis même acheté un beau canif rose pour le faire. OK, je me fais griller la saucisse à la braise tout le temps. Ben, ça me surprend pas, Mathieu. Mais as-tu vu qu'il y a un beau petit poisson en aluminium, en acier inoxydable, au bout de la canne à pêche? Fait que moi, ça gagne, mais vu qu'il y a un petit poisson en acier. OK, ben ouais, c'est cute, mais inefficace. Okay. Retrouvez les liens sur assemblagerockey.com. De tout ça, j'aimerais à un jour, si j'avais un assistant recherchiste, j'aimerais pouvoir lui faire calculer le prix de chaque article que je mentionne en chronique pour faire un total de combien ça va vous coûter, la chronique. Ben, t'engagerais quelqu'un, je suis vraiment pas bonne en maths. Ça te tente pas de faire ça. Ben non. j'ai même pas pris en note les tunes qu'on a fait jouer. Je viens de réaliser ça que c'était ma job. C'est ta première émission, je te comprends, je te comprends. Et moi, depuis le début de l'automne, que je m'étais dit que je prendrais les meilleurs moments en note pendant l'émission, je l'ai-tu fait depuis lundi? Non. Je peux pas te dire depuis lundi, mais depuis 7h30 ce matin, non. Non, pas tant que ça. Mais bon, voilà pour Sex Smith, c'est le devrait pas, on l'a. C'est tout. Ah. Ouais. Et même, si je regarde ça, c'est pas mal la fin de notre émission aussi. Voyons. Mais oui, déjà tout d'un coup, tout finit en même temps. Tout est sec de même, comme de la braise. C'est toi qui tout est sec. Je pensais qu'on dirait comme une vieille madame de 70 ans. C'est ça, ou ma saucisse ratatinée. Je pense que c'était ça l'exemple dans l'affaire avec les ongles. Je pense que c'était une vieille saucisse ratatinée. C'est pas une même personne. Bon, callback de une demi-heure. Retrouvez-nous demain entre 6h30 et 9h30. On va être en direct toujours à 7h30. Stéphanie va être là pour co-animer encore avec moi. Ben oui, ça va être moi. Ça va être le fun, la deuxième partie de la semaine avec Stéphanie. Demain à l'émission, on va discuter de quelques façons de gérer votre vie dans les instructions d'assemblage. On va chialer sur un petit peu tout et un petit peu rien dans tout le temps de quoi. Ça va être le fun. Je pense qu'on va remettre le Tu manges mon cœur d'aujourd'hui à demain. Why not? Mais demain, pas de chroniqueur, ça va être seulement toi et moi. Hey, on est aussi bien d'avoir du contenu. Ben, pas mal sûr qu'on va se forcer là-dessus. Donc, retrouvez-nous demain. Restez là pour le dîner de con qui s'en vient à 11h. Et puis, je vais être de retour à 16h au Mathieu Plante Show, la première de la saison avec Marie-Ève Picard. Oh! On a hâte d'attendre ça. Mouichi, mouichi! On se quitte avec une chanson de Imaginary Cities. C'est Bells of Cologne. C'est encore sur le palmarès anglophone. Puis c'est encore bon. C'est. Et profitez-en. Hein? Ben oui. Hey, bonne journée, Steph! Hey, bonne journée, Mathieu! Bye! Tonight.